Chapitre 28e. La force contre le droit. Lady Lisle resta seule au salon éclairé par une lampe le reste de la soirée où l'avait été boire la malade. Pâle comme une morte, elle semblait penser, couchée devant la cheminée, ses grands yeux noirs enfoncés vaguement, fixés sur les flammes rouges qui étaient à ses pieds. Les heures sonnaient les unes après les autres sur la pendule dorée de la cheminée, et Lady Olivia restait enfouie dans ses tristes pensées. Le major et Sir Rupert étaient allés chez Chester avant le dîner, et on ne les attendait que très tard. Il arrivait bien rarement qu'Olivia s'inquiétât des actions de son mari, mais ce soir-là, elle demanda où le baronnet était allé et à quelle heure il devait rentrer. 11 heures, minuit, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures moins le quart, sonnèrent avec un gentil carillon à la splendide pendule, tandis qu'Olivia, le visage calme, attendait le retour de son mari. Mais au dernier coup des 3 quarts, on entendit sur le sable de l'allée les roues de la voiture du baronnet, qui s'arrêta court sous les fenêtres du salon. « C'est le major qui conduit, » dit Olivia. « Ce misérable poltron a peur de tenir les rênes quand il fait nuit. » Elle entendit le major et le baronnet parler dans le vestibule. Sir Rupert parlait très haut, mais sa voix était épaisse et indistincte, et il eut quelque peine à ouvrir la porte du salon. Il s'avança en chancelant, et se jetant dans le fauteuil le plus proche, il éclata de rire. « Nous avons eu une fameuse soirée, hein, mon vieux camarade ?» dit-il au major en rejetant en arrière, sur le dossier en velours du fauteuil, sa tête pâle avec ses cheveux tombant en désordre sur son visage abruti. « Mon cher Rupert, » murmura le major Varney d'un ton de reproche, « vous ne voyez donc pas Lady Lisle ?»« Comment ?» s'écria le jeune homme. « Elle est ici. »« Non, je ne la vois pas, et ce qui est mieux, je n'ai pas besoin de la voir. » »« Maudite soit cette rabat-joie. Qu'ai-je besoin de sa figure pâle et de ses yeux noirs et de ses grands airs, moi ?» « Je lui apprendrai à me traiter ainsi. Je lui apprendrai qui je suis. Dieu me donne !» Fier dans la lâcheté de son âme, même de cette fanfaronnade d'ivrogne, il campa son poing sur sa hanche et regarda autour de lui d'un air triomphant. Lady Lisle quitta son fauteuil et, se redressant de toute la hauteur de sa taille superbe, elle marcha droit au jeune homme. « Supposons que je sache qui vous êtes, » dit-elle. Le major était resté dans l'embrasure de la porte, occupé à retirer lentement ses gants de popaille. Mais en entendant Olivia prononcer ces quelques mots, il changea tout à coup d'attitude, et fermant à demi la porte, il y appuya son dos. « Supposez que je sache qui vous êtes, » répéta Lady Lisle, les yeux étincelants. « Supposez que ma honte et mes dépens, je sache qui vous êtes et tout ce qui vous concerne. » Ses narines et sa lèvre supérieure tremblaient. Tant était grande son agitation. Elle fut obligée de poser sa main sur la table près de laquelle elle se trouvait, afin de se soutenir, car tout son corps était agité d'un tremblement convulsif. « Ma très chère Lady Lisle, » dit le major, avec une certaine expression de visage qui montrait qu'il écoutait attentivement tous les bruits de dehors, « je n'attendais réellement pas cela de vous. Avec votre puissante intelligence, c'est positivement la dernière chose que j'eusse attendue de vous. « Je vous dis, » s'écria Olivia de sa voix forte, claire et vibrante, « je vous dis que je sais tout. Sur cela, je suis au dieu complot. Et je sais le rôle que vous y avez joué, Major Varney. Mais regardez-le » s'écria-t-elle avec impétuosité. « Regardez-le, cet ivrogne stupide, plus brute que les bestiaux dans les étables. Grand Dieu, quelle misérable dupe j'ai été pour m'être laissé tromper par une telle créature !» Elle éclata d'un rire nerveux en regardant le jeune homme avec une expression d'indicible mépris. Le major retira tranquillement la clé de la serrure de la porte d'entrée et la glissa dans la poche de son gilet. Puis s'approchant de Lady Lisle, il essaya de lui prendre les mains. « Lady Lisle, écoutez-moi !» Elle lui retira sa main avec indignation. « Lady Lisle !» s'écria-t-elle. « Hypocrite, intrigant, fourbe, escroc, voleur, comment osez-vous me donner ce nom faux et menteur qui n'a jamais été le mien une heure, une seule heure ? Oh, femme stupide et niaise que j'étais !» s'écria-t-elle, sa colère et son mépris faisant place à un ton d'angoisse inexprimable. « Stupide et folle de vendre mon âme pour la pompe et la grandeur, de sacrifier un cœur généreux et noble pour qui, pourquoi, pour un imposteur dont le nom est un mensonge et qui vit de la fortune d'un autre !» Sir Rupert laissait le regarder et pleurer sa femme furibonde. Rejetant ses cheveux de ses yeux humides, il sembla sortir immédiatement de sa torpeur et redevenir le lâche personnage d'autrefois. « Elle a parlé à ce diable femelle qui est là-haut » dit-il en regardant d'un air piteux le major. Il lui a dit « Elle m'a tout dit !» interrompit Olivia. « Votre pauvre malheureuse mère m'a tout dit !» Et ce qu'est réellement celui qu'on appelle Sir Rupert Lisle ? Le major Varney levait les épaules et souriait d'un air de mépris. « Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Lady Nessel, vous êtes la dernière personne de laquelle j'eusse attendu tout ceci. « Voyons, » ajouta-t-il d'un ton doux et conciliant en offrant une chaise à Olivia. « Voyons, asseyons-nous et essayons de voir ce que tout cela signifie réellement. » Elle était si épuisée par la violence de sa colère qu'elle n'avait plus la force de lui résister. Elle se laissa tomber sur la chaise qu'il lui offrait. « Donc, dit-il, essayons de bien comprendre les choses. Vous avez eu l'imprudence de vous laisser entraîner à faire une visite à la femme malade. »« Oui, » dit-elle d'une voix étouffée. « Et cette infortunée créature qui, depuis quelques jours, au su de plusieurs personnes, n'a plus sa raison, vous a fait part de ses hallucinations. Elle m'a dit ce que je sais, et sans être la hideuse vérité. » dit Olivia en regardant fixement le major. « Hélas, je voudrais pour tout au monde que cela ne fût pas vrai. « Oh, vous savez et sentez qu'elle vous a dit la vérité, » murmura le major. « Puis-je vous demander si elle vous a donné quelque preuve de la vérité de ce qu'elle vous a dit ?»« Aucune preuve évidente, peut-être, » dit Olivia. « Aucune preuve évidente, » demanda le major avec un sourire à Dieu. « Vous a-t-elle donné la moindre preuve, quelle qu'elle soit, l'ombre d'une preuve ?»« Non, » s'écria-t-il en élevant la voix. « Je pense que non. » Elle vous a simplement dit qu'elle était la mère d'un gentleman qui passe pour avoir une haute naissance que la mère supposée a reconnue publiquement. Et elle vous a conté quelque intrigue de commère aussi impraticable et invraisemblable que celle dont jamais rêvait l'auteur d'un roman populaire. Voilà ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? Elle m'a révélé la part que vous avez prise dans cet indigne complot, dit Olivia, dans cet infernal complot que vous avez conçu et dirigé vous-même en trouvant, avec la méprisable lâcheté d'un scélérat, un instrument plus vilain encore pour l'exécuter. Ma chère Lady Lissel, dit le major, sans se laisser aucunement déconcerter par les accusations lancées contre lui par Olivia, ma chère Lady Lissel, je m'en rapporte à votre propre sens commun. Laissez-vous seulement guider par lui, et nous nous entendrons bientôt. Supposez que j'ai jamais ourdi une intrigue comme celle dont vous parlez. Pensez-vous que j'eusse jamais pris Rachel Arnold pour confidente? Croyez-vous que je me fusse lié à une pauvre créature faible, malade et à moitié folle qui pouvait se mettre dans la tête de me trahir à tout moment? Est-ce possible? Est-ce vraisemblable? Grand Dieu, est-ce seulement possible? Ces paroles étaient incohérentes, dit Olivia, mais je pense, d'après ce qu'elle a dit, qu'elle a entendu quelques conversations entre vous et son mari. Lady Lissel, répondit le major avec gravité, je suis bien fâché que vous vous soyez laissé aller à un semblable éclat ce soir. Vous avez écouté les divagations d'une folle, chez laquelle une maladie longue et grave, a fait naître une hallucination qui, peut-être, ne sera pas très difficile à expliquer. Si nous nous souvenons que Rachel Arnold avait un fils de l'âge de Sir Rupert et qui lui ressemblait. Ne vous laissez donc pas influencer par cette malheureuse créature au point de dire à votre mari qu'il n'est pas la personne qu'il prétend être, et en outre, de m'accuser d'avoir pris part à cette supercherie. Supposons maintenant qu'il fût de votre intérêt d'aller aux preuves de cette assertion. Ce qui ne se peut pas, puisqu'en agissant ainsi, vous ne feriez que vous rendre la risée de tout le comté de Sussex, comme une femme qui s'est vendue un homme pour son rang et sa fortune, et qui a découvert qu'elle a épousé un mendiant, un homme de rien. Si, dis-je, il était de votre intérêt de prouver ceci, quelle preuve pourriez-vous donner? Olivia garda le silence. Vous dites que votre mari ici présent n'est pas le baronnet réel, et que le vrai Sir Rupert Lissel est vivant. Puis-je vous demander où? Je ne puis vous le dire. Je le pensais bien, dit le major. Il n'est pas en votre pouvoir de le produire, n'est-ce pas? Je le crains. Bon. Et puis-je demander quand Mrs. Rachel l'a vu en vie? Quand on l'a fait sortir de l'hôpital, il y a 15 ans au moins. 15 ans, répéta le major. C'est un long espace de temps, ma chère Lady Lissel, et en présence des divagations d'une femme que son médecin dit être folle, et en l'absence de toute autre preuve, nous pouvons rétorquer cette accusation par la déposition du mari de cette femme. Gilbert Arnold, dûment signé par lui en présence du notaire du baronnet. Le ciel me vienne en aide, dit Olivia en joignant les mains avec douleur, mais l'instinct me dit que cette femme m'a dit la vérité. Votre instinct ne servirait guère à soutenir votre cause en justice, ma chère Lady Lissel, dit le major. Nous n'avons pas peur de vous, n'est-ce pas, mon cher Rupert? Nous n'avons pas peur non plus de Mrs. Arnold. En vérité, il n'y a qu'une personne que Sir Rupert puisse craindre, et cette personne, c'est le major Granville Varney. Tout en parlant, il frappait doucement avec sa main sur le côté de son gilet où était placé le petit portefeuille, de sorte que la chaîne d'acier et le cadenas faisaient entendre un léger bruit. « Le ciel me vienne en aide et m'apprenne ce que je dois faire dans mon malheur, » s'écria Olivia. « Je vous recommanderais de laisser les choses comme elles sont, ma chère madame, plutôt que de faire un scandale inutile qui vous rendrait un objet de pitié pour tout le pays, comme une femme ambitieuse qui a été trompée par le fils infime d'un braconnier vagabond. Mais cela serait aussi affreux que dans la Dame de Lyon. » Accablée et désespérée, Olivia Lessel rentra dans ses appartements pour songer aux événements de la journée. De grand matin, le lendemain, en traversant le vestibule, elle vit deux étranges individus se promenant de long en large sur les marches du perron. « Qu'attendez-vous ? » demanda-t-elle à l'un d'eux, grand gaillard aux épaules larges qui avait un mouchoir rouge noué autour de son cou. « Nous attendons la personne que nous devons conduire à l'asile, madame, et elle est joliment longtemps à venir, » répondit l'homme. « L'asile, quel asile ? » demanda Olivia. « L'asile des aliénés, madame, des fous pauvres. » Avant que Lady Lissel eût pu faire une question de plus, Rachel Arnold parut dans le vestibule, soutenue d'un côté par la garde malade et de l'autre par une femme aux traits durs, venue d'une maison de fous pour aider à transporter la malade. La malheureuse créature était pâle comme une morte et tremblait violemment. « Oh, Milady, Milady !» s'écria-t-elle d'un ton plaintif. « Ne les laissez pas m'emmener. Je ne suis pas folle, en vérité, je ne suis pas folle. Ce que je vous ai dit est aussi vrai que l'évangile, tout est vrai. Arrêtez !» s'écria Olivia. « Arrêtez, je le veux. Que signifie tout cela ?»« Cela signifie, Lady Lissel, » dit le major, ouvrant la porte de la bibliothèque, « cela signifie que lorsque les gens sont en proie à des hallucinations dangereuses, il est grandement temps de les enfermer. Sans cela, ils finiraient par influencer l'esprit des autres, même ceux de leurs supérieurs, jusqu'à les rendre aussi fous qu'eux-mêmes. Et souvenez-vous, ma chère Lady Lissel, que le rang le plus élevé ne sauve personne d'une maison de fous. » La femme aux traits durs et un des hommes entraînèrent Rachel Arnold vers les marches du perron. Mais sur le seuil de la maison, elle s'arrêta tout à coup, et levant sa main maigrie et fatiguée, elle s'écria : « Malédiction sur cette maison et les méchants qu'elle abrite !»